études, c'était galère sur galère. On était tombés en rade, on enrageait la tempête, on se baignait sans y penser comme des enfants. Comment aurait-on pu filer que ce concert serait ton dernier? Mais là d'où tu es, je sais que tu peux nous entendre. Je l'ai pour toi pour nous rappeler qu'on pourrait toujours être ensemble. Et si l'autre qu'on savait, j'espère que je te laisserai descendre. Enfin non, c'est vrai, j'oubliais que le vieux sourd a de les muets. Et toute la nuit on avait dansé sur les tables de l'hôtel en flamme. Toi t'étais loin d'être le dernier à délirer. Et tu souriais, tout en comatant. Crois-moi, c'est cette image que je garde de toi. Et là d'où tu es, je sais que tu vas nous entendre. Je l'ai pour toi pour nous rappeler qu'on pourrait toujours être ensemble. Et si l'on nous condamne, savez, c'est toi qui te laisserai les cendres. Enfin non, c'est vrai, j'oubliais que le vieux sourd a levé bien avant qu'on soit connu assez, ouais. On serait sûrement devenus de bons amis, qui sait. De toute façon, tu vois, on va pas t'oublier, non. Et là d'où tu es, je sais que tu peux nous entendre. Je l'ai pour toi pour nous rappeler qu'on pourrait toujours être ensemble. Et si l'autre qu'on en savait, j'espère qu'il te laisserait descendre. Enfin non, c'est vrai, j'oubliais. Sourd aveugle et muet.